ce lundi à Assemblage requis. Le bloc télécharge quoi dans lequel Maxime Le Mularami nous présente ses suggestions musicales. Et Mythologique présente Capsule Bertrand Martin. Tous ces morceaux seront rassemblés dans un ordre quelconque à Assemblage requis, lundi 15h.